Revers sur le terrain. L'investissement sur les opérations cyber correspond aux besoins de l'époque, mais pouvait aussi s'analyser comme une forme de compensation après de grosses déconvenues sur plusieurs terrains d'opération. En Russie, la victoire de Donald Trump semble avoir refroidi les informateurs secrets de la CIA au sein du gouvernement russe. Depuis la chute du communisme, la CIA a recruté des fonctionnaires occupant des postes élevés au sein du Kremlin et d'autres institutions gouvernementales russes qui pouvaient aider à faire la lumière sur les manœuvres politiques de leur pays. Ces informateurs ont été cruciaux pour permettre à la communauté du renseignement américain de lancer des avertissements sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de novembre 2016. Depuis lors, les agences d'espionnage américaines se sont largement appuyées sur ces informateurs pour produire des évaluations détaillées des activités de renseignement russes visant les États-Unis et proposer des mesures contre les personnes impliquées. Mais début 2017, ces sources d'informations à Moscou se sont tues en quelques mois. Leurs officiers traitants ne pensaient pas que ces informateurs aient été capturés ou tués. Au contraire, ils auraient volontairement pris le maquis en raison du contre-espionnage plus agressif pratiqué par les agences de sécurité russes. Moscou a intensifié ses tentatives de détection des espions opérant à l'intérieur de la Russie depuis l'affaire Sergueï Skripal, lorsque les relations entre la Russie et la plupart des pays occidentaux ont atteint leur point le plus bas depuis la guerre froide. En retour, les informateurs occidentaux opérant en Russie se sont tus pour leur propre protection. On peut ajouter que la complicité affichée par Donald Trump avec Vladimir Poutine n'a pas aidé non plus. Le manque d'informations a été exacerbé par l'expulsion de dizaines de diplomates américains de Russie en mars 2018. Moscou a annoncé ces expulsions en réponse à la décision de Washington d'expulser 60 diplomates russes pour protester contre la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal en Angleterre, imputée à la Russie. Un grand nombre des diplomates qui ont été expulsés de Russie étaient en fait des agents de renseignement opérant sous couverture diplomatique. Il n'en reste plus beaucoup sur le sol russe et ils sont soumis à une surveillance agressive. Le dossier chinois apparaît encore plus catastrophique. En 2017, on apprenait que quelques années auparavant, les services chinois avaient démantelé un vaste réseau que la CIA avait mis des années à implanter. La plupart de ses membres étaient des ressortissants chinois, certains opérant depuis des années au cœur de l'appareil d'État. Au début de 2010, ils commencèrent à disparaître les uns après les autres. En 2012, le réseau était quasiment anéanti. Tous avaient été soit exécutés, soit emprisonnés par les autorités de Pékin. Selon un ancien de l'agence, au moins l'un d'entre eux fut exécuté devant ses collègues dans la cour d'un bâtiment gouvernemental afin de dissuader d'autres fonctionnaires d'espionner l'État chinois. Les dommages causés à la CIA étaient incalculables, les pires depuis des décennies, selon une source qui les compare à la perte d'actifs causée dans les années 1980 et 1990 par les trahisons de l'agent de la CIA Eldridge Ames et de l'agent du FBI Robert Hansen. À l'époque, des dizaines d'agents et plus de 100 projets de renseignement ont été compromis. Dans l'affaire chinoise, beaucoup soupçonnent la présence d'une taupe au sein de la communauté du renseignement américain. D'autres pensent que les arrestations d'agents de la CIA résultent d'une opération sophistiquée de piratage informatique chinoise qui visait la CIA. Une troisième théorie postule que la brèche a été causée par l'infiltration de la communauté du renseignement de Taïwan. Quoi qu'il en soit, il devenait extrêmement difficile d'opérer en Chine. Un diplomate américain en poste au consulat à Chengdu fut même enlevé et interrogé pendant plusieurs heures par les autorités chinoises qui pensaient qu'il était un agent de la CIA. L'enlèvement eut lieu début 2016, mais fut révélé en 2017. Le diplomate aurait été attrapé dans la rue en milieu de journée par des officiers chinois en civil et conduit dans un centre de détention dans une camionnette banalisée. Il y aurait été maintenu pendant plusieurs heures, malgré son statut diplomatique assorti d'une immunité totale qui protège les diplomates contre toute arrestation et détention dans le pays d'accueil. Les autorités américaines affirment que les autorités chinoises n'ont informé le consulat américain de l'endroit où se trouvait le diplomate que plusieurs heures plus tard. À ce moment-là, le diplomate avait subi un interrogatoire musclé et ses réponses avaient été filmées par ses ravisseurs, qui affirmaient qu'il était un agent de la CIA. Depuis lors, il n'était pas rare que les appartements de certains diplomates soient perquisitionnés en leur absence, malgré les protestations officielles du département d'État. À l'été 2018, les États-Unis ont dû évacuer plusieurs membres du personnel diplomatique de leur consulat dans la ville chinoise de Gansu, après qu'ils ont été victimes de phénomènes auditifs ou sensoriels aigus inhabituels et de sons inhabituels ou de bruits perçants. Deux semaines auparavant, le département d'État américain avait révélé qu'un employé du consulat de Gansu avait été rapatrié par avion pour subir des examens médicaux, après avoir ressenti des sensations subtiles et vagues, mais anormales, de son et de pression. Les évacuations en Chine ont suscité des comparaisons avec des phénomènes similaires signalés par le personnel diplomatique américain à Cuba en 2016. Ces phénomènes font toujours l'objet d'études scientifiques. Une récente étude, publiée dans le Journal of the American Medical Association, se base sur des images du cerveau de 40 personnes victimes de troubles auditifs aigus et d'autres troubles sensoriels alors qu'elles se trouvaient à Cuba. Elle montre un impact sensible dans la substance blanche du cerveau. La substance blanche est composée de fibres nerveuses qui sont responsables de la transmission des signaux électriques d'une cellule du cerveau, neurone, à une autre. Une atteinte de cette région entraîne une réduction de la capacité du cerveau à traiter les informations rapidement. Or, le volume de la matière blanche dans le cerveau des victimes présumées d'attaques soniques était inférieur d'environ 5% à celui du cerveau d'adultes en bonne santé. Il reste à découvrir quel procédé a pu avoir cet effet et si la même arme sonique a bien été partagée entre services chinois et cubains. Début 2018, le fiasco du réseau chinois de la CIA a trouvé un début d'explication. Un ancien responsable des opérations de la CIA était arrêté pour possession illégale d'informations top secret, notamment de listes de noms réels d'agents étrangers et d'adresses de planques de la CIA. Il s'agissait de Jerry Chun Sheng Li, également connu sous le nom de Zhen Cheng Li. Li, un Américain naturalisé de 53 ans, avait servi à la CIA de 1994 à 2007 à divers postes et endroits à l'étranger, selon les documents judiciaires. Li vivait à Hong Kong depuis sa retraite de la CIA. Il fut arrêté par le FBI à son arrivée sur le sol américain. Selon la plainte pénale déposée par le FBI, Li gardait sur lui un certain nombre de carnets contenant des informations confidentielles sur son travail à la CIA. Il s'agissait notamment des noms réels de membres du personnel clandestin de la CIA et des noms réels d'agents étrangers, c'est-à-dire de fournisseurs de renseignements recrutés par les agents de la CIA. Les carnets contenaient également des notes opérationnelles de réunions d'actifs, vraisemblablement des réunions entre Li et les actifs dont il s'occupait au cours de sa carrière à la CIA, des numéros de téléphone opérationnels et même des adresses d'installation secrètes de la CIA, des lieux sûrs où les agents de la CIA rencontrent leurs actifs en toute confidentialité. Il ressort des documents judiciaires que le FBI enquêtait sur Li depuis au moins 2012. En mai 2018, Li a été formellement inculpé pour conspiration en vue de recueillir et de transmettre des informations relatives à la défense nationale afin d'aider un gouvernement étranger. Selon l'acte d'accusation, Li a été approché par deux officiers de renseignement chinois en 2010, 3 ans après avoir quitté la CIA. Les officiers auraient proposé à Li une importante somme d'argent en échange de l'accès à des informations classifiées. Autre coup dur, fin 2018, un rapport publié par Yahoo News décrit la compromission d'une plateforme Internet secrète utilisée par l'agence pour faciliter la communication clandestine entre ses agents et leurs sources dans le monde entier. Le système de communication en ligne a été mis au point dans les années qui ont suivi le 11 septembre par les services de renseignement américains pour être utilisé dans les zones de guerre du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Il a finalement été adopté à grande échelle par la CIA, qui y voyait une méthode pratique pour échanger des informations sensibles entre les agents de la CIA et leurs agents dans les zones interdites. Plusieurs sources ont déclaré à Yahoo News que l'un des agents de la CIA à l'intérieur du programme nucléaire iranien a été forcé par les services iraniens à devenir un agent double. Il a ensuite livré à Téhéran des informations cruciales sur le système de communication en ligne de la CIA. Les Iraniens auraient identifié un réseau entier de sites web gérés par la CIA pour communiquer avec ses agents, en Iran et ailleurs. Ils ont ensuite surveillé ces sites et localisé leurs utilisateurs afin de démêler progressivement tout un réseau. À cette époque, les médias iraniens ont annoncé que les services de contre-espionnage de la République islamique avaient démantelé un vaste réseau d'espionnage de la CIA composé de plus de 30 informateurs. La CIA a réussi à exfiltrer certains de ses agents d'Iran avant que les autorités ne parviennent à les appréhender. Selon un ancien de la CIA, il est probable que les Iraniens ont appris aux Chinois à utiliser le système de communication en ligne de la CIA pour identifier les méthodes et les sources clandestines utilisées par l'agence.